no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. En fait, t'entends rien de trois petits cons. Une fièvre punk, tarteuse, ma touch, French, con-con. En un papillon, je règle tout. Tu veux du faux bifcon, une chanteuse en faux vison, un vocodeur bien bidon. On rappe tout à l'Eurovision, c'est de l'électro-rital. Ça rappe avec les bras, agite les chaînes en toque sur Delphore, je déballe ma graisse, cartoine, produit affiné. Ma peau brille comme la coupe d'un playboy sous peine. Donc je défile, monte mes belles formes, collecte printemps et terre. Crois que je mange chez Fauchon, mais fauché, chemise à carreaux froissés. Boule à zéro, coiffeur à 0€. Voyez des titi parigo, ultra bright, lyrics au vert, parade et pas très. Sache que Slim c'est chic comme un punk à pas très. All the cars go by roaring as the breeze blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, gifted like a dango. A zircon printer seen to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Homo, micro, plus, je plonge au cœur de la saleté de ton anus. Pap, ridicule, trop dans la picole. Basté la Nicole, et qui coule, la tête qui colle. Ça pue le cul, les pieds, la moule. Comme le collant de ta meuf, full meuf qui est roulé en boue. On a beau faire, ça finit toujours dans la beaufrie. Fais péter le barbecue full, pas de trop dans le beaufrie. Nul comme Chantal Lobby, des sous-l'eau, Romano, tout point sorti de la roulotte, chanteur. Hey, ouais, la bohème, c'est la mode. On est des frics, on n'a pas de fric, on a quelque chose dans le froc et la trique. Le slip, c'est chic. Not to lose my head.